Réponse numéro 15. L'unicité d'Allah dans la divinité, c'est de croire qu'Allah est celui qui est en droit d'être adoré et qu'il n'a pas d'associé dans cela. Source: Ad-Durus al-Muhimma de Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Tawhidullahi fil-uluhiyyah huwa al-imanu بأن الله هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك. المصدر: الدروس المهمة للشيخ عبد العزيز بن باز.